إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, on se réunit aujourd'hui pour continuer la lecture des hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le chapitre sur la diversité des œuvres de bien tiré de son livre Les Jardins des Vertueux. Nous en sommes aujourd'hui au 18e hadith qui est rapporté par Jabir radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout ma'rouf est une sadaqa, c'est-à-dire tout bien, toute œuvre convenable est une aumône. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, et il est également rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu. On voit donc que ce hadith correspond parfaitement à ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer dans ce chapitre, qui est le fait que les voies de bien sont nombreuses. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que tout bien, toute action convenable est une aumône. Ceci indique que l'aumône peut être faite de différentes manières, qui sont très diverses. En effet, le ma'rouf, que l'on traduit parfois par le convenable ou par le bien, il désigne tout ce qui est reconnu comme étant bon dans la législation, parmi les adorations que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également les relations entre les gens. Tout ce qui est connu comme étant bon fait partie du ma'rouf. Ce hadith englobe donc aussi bien les actes cultuels par lesquels tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font partie des aumônes, comme le rappel d'Allah, comme on l'a vu dans un hadith précédent, lorsque tu dis subhanallah c'est une aumône, lorsque tu dis la ilaha illallah c'est une aumône, lorsque tu dis alhamdulillah c'est une aumône, et ainsi de suite. Donc ceci est compris par ce hadith et entre dans cette généralité. Tout bien est une aumône, mais également tout le bien que tu fais dans tes relations avec les gens. Ceci également fait partie des aumônes. Lorsque tu es bienfaisant envers une personne avec ton argent, lorsque tu es bienfaisant envers une personne par une parole, lorsque tu es bienfaisant envers une personne par le simple fait de la rencontrer, comme on a vu dans un hadith précédent, avec un visage souriant. Que tu rencontres ton frère avec un visage souriant, non pas avec un visage renfrogné, mais que tu lui souris, que tu lui tiennes des belles paroles, des paroles plaisantes, que tu fasses entrer la joie dans son cœur. Tout ceci font partie des œuvres de bien par lesquelles tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est d'autant plus important en ce qui concerne tes relations avec tes proches, avec les gens de ton foyer, à commencer par tes parents, ton époux, ton épouse, tes enfants. Il est nécessaire que tu mettes en pratique dans tes relations avec eux ce hadith, que tu sois souriant devant eux, que tu leur adresses des belles paroles, que tu fasses entrer la joie dans leur cœur, et ceci permet de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, ceci te permettra de vivre en harmonie au sein de ton foyer. Les savants ont également dit qu'il fait partie du bien dans les relations avec les gens tout ce qui te permet de les réjouir, bien sûr parmi les choses licites. Ceci fait partie des aumônes. Ils ont cité également comme exemple le fait que lorsque tu rends visite à un malade, tu fasses preuve d'optimisme et que tu le rassures en lui disant que ce qu'il a n'est pas quelque chose de grave, qu'il se porte bien, même si en réalité sa situation peut être inquiétante. Mais tu mets comme intention par cette parole que ce qu'il a n'est pas quelque chose de grave, comparé à d'autres qui ont des maladies plus graves, et qu'il se porte bien comparé à d'autres qui se portent beaucoup moins bien que lui. Et ceci afin de le rassurer, car les gens de science ont dit que le fait de rassurer le malade et de faire entrer la joie dans son cœur, ceci est une cause de guérison bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour cela que tu vois nombre de personnes, lorsqu'ils sont atteints d'une maladie qui est sans gravité, il se peut qu'ils soient au départ inquiets. Puis il se rend chez le médecin, qui l'informe qu'il n'a pas à s'inquiéter, que cette maladie est sans danger, et qu'il va rapidement guérir bi'ihnillahi ta'ala. Le simple fait d'entendre cette parole, c'est pour lui comme s'il était guéri. Il ne pense plus à la maladie, car il a dissipé toute inquiétude. Et ces paroles lui ont permis d'oublier sa maladie. Et le fait d'oublier la maladie est une cause de guérison bi'ihnillahi ta'ala. Contrairement à la situation de celui qui se concentre sur sa maladie et sur ses douleurs, celui-ci sera plongé dans l'inquiétude. Il se peut que le diable se serve de cela pour l'éloigner de ce qui est profitable pour lui, et le plonge ainsi dans les wasawis, et dans différentes inquiétudes, dans la peur de ne pas guérir, et ainsi de suite. Et ceci est une cause pour que la maladie perdure. Regardez celui qui est malade, qui a une blessure. Lorsqu'il se distrait, il oublie sa maladie, il oublie ses douleurs. Puis une fois qu'il n'a plus rien à faire, et qu'il replonge dans ses pensées, le voilà souffrir à nouveau des douleurs de sa maladie. Ceci nous prouve donc très clairement que le fait d'oublier la maladie est une cause de guérison. Donc lorsque tu rends visite à un malade, le fait de le rassurer, de le réjouir, de lui faire espérer le bien et la guérison, lui rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le guérir, ceci est un grand bien, inshallah ta'ala, qui lui fera oublier sa maladie et qui sera peut-être une cause de sa guérison. Et ceci est une œuvre pour laquelle tu es récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute œuvre de bien est une aumône. Tout service que tu rends à quelqu'un. À supposer qu'il y ait quelqu'un à côté de toi qui porte une charge lourde et que tu l'allèges en l'aidant à porter cette charge. Ceci est une aumône. À supposer qu'une personne marche à côté de toi et échappe un objet sur le sol et que tu lui ramasses. Ceci est un acte de bien et ceci est une aumône. Et ainsi de suite. Toute œuvre de bien, aussi minime soit-elle, est une aumône et te permet de te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit s'empresser dans ses œuvres de bien, ne pas les mépriser. Tout service que tu peux rendre à tes frères, à tes sœurs, en commençant par les gens les plus proches, les gens de ton foyer, tes parents, tes enfants, et ainsi de suite. Toute chose que tu peux faire pour leur rendre service, ceci est une œuvre de bien par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve parfois certaines personnes, lorsque leurs parents les sollicitent, ils sont lassés, parfois pour des choses simples à accomplir. Pour les aider à porter une chose, pour les aider à ranger une chose, pour les aider à préparer une chose, ainsi de suite. Mais ils sont lassés, ils soupirent. Ils préféreraient rester dans l'oisiveté ou les futilités. Et ceci est une grave erreur. Premièrement, ceci est un mauvais comportement envers les parents. Et deuxièmement, en agissant ainsi, tu te prives d'un grand bien. Tu te prives de nombreuses aumônes. Si tu as une bonne intention en faisant cela, que lorsque tes parents t'appellent, tu t'empresses de te rendre vers eux, et tu t'empresses de leur rendre service, de les aider, alors tu seras récompensé pour cela. Ne méprise pas ces œuvres de bien qui seront peut-être la cause de ton entrée au paradis. Et de la même manière, l'homme avec son épouse, la femme avec son mari, lorsque l'un a besoin de l'autre, qu'il s'empresse d'être à son service et d'être bienfaisant envers lui, afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a mentionné également ici comme exemple de bien le fait d'accueillir ses invités de la meilleure manière. Lorsque tu as des invités, les accueillir avec le sourire, de leur souhaiter la bienvenue lorsqu'ils arrivent, de bien les installer, de bien les servir, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie du bien par lequel tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite sur le récit d'Ibrahim alayhi salam lorsque les anges sont venus à lui, sous l'apparence d'être humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait que c'était des voyageurs qui faisaient une halte chez lui. Il s'est empressé d'aller discrètement à sa famille, puis est revenu avec un veau copieux. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Bi'ijalin haniz » Il apporta un veau rôti. Donc on voit à travers cela plusieurs bénéfices sur la manière d'accueillir ses invités. On voit premièrement qu'il s'est empressé, qu'il ne les a pas fait attendre, et qu'il a fait cela discrètement. Il ne leur a pas dit « Avez-vous faim? Avez-vous soif? Est-ce que vous voulez que je vous serve quelque chose ?» Non. Il les a vus, il est parti directement à sa famille et est revenu avec la nourriture. Certaines personnes, lorsqu'ils accueillent des invités, ils les questionnent. « Est-ce que tu veux que je te serve à boire? Est-ce que tu veux que je te serve à manger ?» Ce n'est pas comme cela qu'il convient d'agir. Il se peut que la personne soit gênée et refuse par gêne. Mais toi, commence à l'honorer, à la servir, à lui servir à boire, à lui servir à manger. C'est ainsi que l'on accueille ses invités. Également, On voit qu'Ibrahim, alayhi salam, il est venu avec une nourriture parmi les meilleures nourritures. Un veau copieux, avec beaucoup de viande. Et dans l'autre verset, un veau rôti. C'est-à-dire que ce n'était pas un veau cuisiné, mais un veau rôti. Et il est connu que la viande qui est rôtie, elle est meilleure que la viande qui est cuisinée. Donc on voit qu'il leur a présenté la meilleure des nourritures. Ensuite, après cela, il a approché la nourriture d'eux. Il ne l'a pas posée loin d'eux. Mais il a approché la nourriture d'eux afin qu'il soit simple pour eux de se servir et qu'il n'y ait aucune gêne. Car si tu poses la nourriture loin de tes invités, il se peut qu'ils soient gênés, qu'ils ne vont pas oser se lever ou prendre une nourriture qui est à l'autre bout de la table. Mais c'est à toi de les servir, de rapprocher la nourriture d'eux. Tel est le bon comportement qu'a eu Ibrahim alayhi salam. Et il n'y a pas de doute que c'est pour nous un modèle à suivre. Et tout ce qu'il a fait ici, le fait de s'empresser, de leur servir la meilleure des nourritures, de la rapprocher d'eux. Ceci fait partie des œuvres de bien par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour lesquelles tu es récompensé. Ibrahim alayhi salam nous a donc donné le meilleur des exemples en termes d'hospitalité. Et cette hospitalité, elle fait partie du bien, et ce bien est une aumône par laquelle tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, on tire de ce hadith que tout bien, aussi minime soit-il, est une aumône, et il fait partie des moyens par lesquels tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour lesquels tu seras récompensé. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tout bien. Le hadith suivant, qui est le hadith 19, est également rapporté par Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'y a pas un musulman qui plante un arbre sans que tout ce qui en est mangé soit pour lui une aumône. De même que tout ce qui en est volé est pour lui une aumône. Et tout ce qui lui est ôté, tout ce qui en est diminué, est aussi pour lui une aumône. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et dans une autre narration, il rapporte, il n'y a pas un musulman qui plante un arbre dont mange un homme, un animal ou un oiseau sans que ce soit pour lui une aumône jusqu'au jour de la résurrection. Et dans une autre narration, il rapporte, il n'y a pas un musulman qui plante un arbre ou sème une semence dont mange un homme, un animal ou un oiseau sans que ce soit pour lui une aumône. On voit donc à travers ce hadith et ces différentes narrations d'autres voies parmi les voies du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici mentionné le mérite de planter des arbres ou de semer une quelconque semence. Si une personne plante un arbre et qu'un homme ou un animal ou un oiseau ou autre que cela en mange, alors ceci constitue pour lui une aumône. Également, si on lui vole des fruits de ces arbres, c'est pour lui une aumône. Il n'est pas perdant en réalité. Il se peut que la personne, si elle se fait voler, elle pense qu'elle a perdu quelque chose. Mais en réalité, c'est pour elle une aumône. Et elle est récompensée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, c'est une incitation et un encouragement à la plantation des arbres fruitiers ou autres. Et également un encouragement de manière générale à l'agriculture et à semer toute semence. Car il y a dans l'agriculture un grand bien et un bien immense, aussi bien religieux que mondain. Quant au bienfait mondain, il est apparent. Il y a dans l'agriculture un grand bienfait pour les hommes. Ils vont manger de ce qu'ils ont semé, ils vont manger des fruits de leurs arbres, des fruits de leurs plantations, et également, ils vont en tirer un bénéfice financier, en revendant une partie de ces plantations, de ces semences, et ainsi de suite. Donc, ceci est un bénéfice mondain immense, non pas seulement pour la personne, mais pour toute la société. Et il y a également cela, des bénéfices religieux. Car si tu plantes un arbre, ou autre semence, et que viennent en manger des oiseaux, des pigeons, des moineaux ou autres, ne serait-ce qu'une graine de ce que tu as planté. Alors, ceci est pour toi une aumône. Imagine que la personne ait planté quelques graines qui ont germé, qui ont poussé, puis que des oiseaux viennent les manger. Des poules, par exemple, qui viennent manger de ce qui a commencé à pousser. La personne pourrait penser avoir perdu son temps, car ceci constitue pour elle une perte. Mais en réalité, ceci est une aumône pour laquelle tu es récompensé. Tu as fait cet effort de planter, cet animal a mangé, c'était sa subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et c'est pour toi une aumône. Également, il se peut qu'une personne plante des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers ou autres parmi les arbres fruitiers. Une personne passe et vole de ses fruits. La personne pourrait se sentir lésée et penser qu'elle a perdu ces fruits qu'elle attendait. Mais en réalité, dans l'au-delà, c'est un bien pour elle, car ceci lui est compté comme une aumône. Même les fruits qui tombent sur le sol et qui périment et qui sont mangés par les insectes ou autres bêtes, ceci est pour la personne une aumône. Tu vois donc qu'il y a un grand mérite dans le fait de planter des arbres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne est récompensée jusqu'au jour de la résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce n'est pas une aumône comme les autres, mais c'est une aumône que l'on appelle sadaqatun jariya, une aumône continue. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu plantes un arbre, tant que cet arbre continue de donner des fruits et que les gens mangent de ces fruits, tu seras récompensé à chaque fois qu'une personne mange un de ces fruits, même après ta mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, lorsque l'enfant d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de trois. Une science dont on profite, une aumône continue. Qu'est-ce que cela signifie une aumône continue? C'est-à-dire une aumône dont les gens continuent de profiter. Et entre dans cela un arbre que tu as planté et dont les gens mangent de ses fruits. Il se peut que les gens mangent de ses fruits durant des dizaines d'années, voire même des centaines d'années, ou plus encore. En effet, il y a des arbres qui vivent des centaines et des centaines d'années, comme l'olivier. Donc si tu plantes cet arbre, ceci est pour toi une aumône continue, pour laquelle tu es récompensé pour chaque fruit qui en est mangé, que ce soit les fruits mangés par les hommes, que ce soit les fruits qui sont volés, que ce soit les fruits qui tombent sur le sol et qui sont mangés par les insectes, ou que ce soit les fruits qui sont mangés par les oiseaux qui pourraient venir en manger. Tout ceci est pour toi une aumône. Et les gens de science ont mentionné que la personne est récompensée qu'elle ait recherché cela ou non. À supposer qu'une personne plante un arbre ou sème une quelconque semence, sans penser à cela, sans penser qu'elle pourrait être récompensée pour les fruits qui seront mangés. Malgré cela, à chaque fois que quelqu'un mange des fruits de cet arbre, elle est récompensée, c'est pour elle une aumône. Et même si on vole de ses fruits, c'est pour elle une aumône. On a planté un arbre fruitier, quelqu'un vient et ramasse tous ses fruits en son absence, c'est pour elle une aumône. Celui qui a planté cet arbre est récompensé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit une récompense jusqu'au jour de la résurrection. Même ce qui est mangé par les insectes, comme on a dit. Vous êtes peut-être déjà passé à proximité d'un champ de blé ou autre et avez peut-être vu des fourmis ramasser de nombreuses graines. Celui qui a planté ses semences, toutes les graines que ces fourmis ramassent, c'est pour lui une aumône. Vous voyez comme la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est immense. Et ce hadith est donc un encouragement pour les musulmans à s'investir dans l'agriculture, la plantation d'arbres et ainsi de suite. Car, comme on a dit, ceci comporte de nombreux bénéfices mondains, mais également des bénéfices religieux. Et ceci nous montre que les voies du bien sont diverses et variées, et que tout ce qui est profitable pour les gens, ceci est pour toi un bien si tu en es la cause. Et tu es récompensé pour cela, même si tu n'en avais pas l'intention. Comme l'a mentionné le cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et qui a mentionné comme preuve à ce sujet le verset 114 de Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La khayra fi kathirin min najwahum, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas, wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. » Il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs conversations secrètes. La plupart des conversations secrètes des gens, il n'y a pas de bien dans celle-ci. Sauf si l'un d'eux ordonne une aumône, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Dans ce cas, il y a un bien. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens, et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense immense. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces choses, fait d'ordonner une aumône, d'ordonner le bien, d'ordonner une conciliation entre les gens, et il y a mentionné que ceci faisait partie du bien, que son auteur en ait eu l'intention ou non. Celui qui ordonne une aumône, celui qui ordonne le bien, celui qui ordonne la conciliation entre les gens, qui cherche à réconcilier entre les gens, alors celui-ci est dans le bien, et celui-ci est récompensé pour cela. Et s'il en a eu l'intention, c'est-à-dire qu'il a cherché, à travers cet acte, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. À celui-là, nous donnerons bientôt une récompense immense. C'est-à-dire que sa récompense sera encore plus grande que celle du premier. Et ceci est une preuve que tout ce qui est profitable pour les gens, tout ce qui contient un bien pour les gens, celui qui en est la cause, même s'il n'en a pas eu l'intention, il est pour cela récompensé. Et s'il en a eu l'intention, qu'il cherchait à travers cet acte à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sa récompense sera plus grande encore. Voyez donc à travers ces hadiths les différentes manières de faire le bien et d'obtenir des récompenses immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la multiplication des œuvres de bien. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder dans l'ensemble de nos œuvres la sincérité ainsi que la conformité à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra la suite des hadiths dans le cours de demain. Inch'Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.